بسم الله الرحمن الرحيم سندخل اليوم في المسألة 78 مسألة في قوله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين dans le sens où Allah il dit à propos de Moussa qu'il a lancé son bâton et le voilà qui devient un serpent, un grand serpent. Sourate Al-A'raf, verset 107. Cette mas'ala-là qu'on va citer aujourd'hui, elle est plus liée à la langue arabe. En français, elle ne peut pas apparaître, parce que la traduction pour nous, c'est la même. Mais en arabe, il y a une différence. Nous, on la cite quand même, pour ceux qui ont un peu des notions de langue arabe ou qui sont arabophones et qui profitent de cela, ça sera toujours une faïda pour eux. Mais en réalité, nous, en français, lorsqu'on traduit, il n'y a pas vraiment de différence. Car la traduction elle-même, tellement elle est restreinte qu'on ne peut pas voir les subtilités de cette langue qui est magnifique, qui est la langue arabe. قال هذه الآية تدل على شبه أو شبه العصا بالثعبان وهو لا يطلق إلا على الكبير من الحياة وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك ويقوله تعالى فلما راها تهتز كأنها جانة لأن الجانة هي الحياة الصغيرة. Donc maintenant ce verset. Ce verset où le bâton a été transformé en serpent. D'accord ? Le mot thorben, thorben en arabe en fait, c'est un mot qui ne s'emploie que pour les grands serpents, de grande taille. Thorben, c'est pour ce qu'on emploie pour un serpent de grande taille. On peut dire également haya. Haya là-bas c'est tout ce qui est serpent. Thorben c'est tout ce qui est gros serpent. Et dans un autre verset, Allah il dit quoi ? فَلَمَّا رَاهَا رَاهَا تَحْتَزُّ كَنَّهَا جَانَّ. Et lorsqu'il a vu bouger comme si elle était un djann. Un djann quoi en fait? C'est quoi un djann? C'est un serpent également. Mais qui a la forme de serpent? Un serpent de petite taille. Donc c'est là que le khilaf il apparaît par rapport aux arabophones. Entre thorben ou djann. Vous voyez, car thorben, on a dit, c'est le gros serpent. Et souvent, le gros serpent, qu'est-ce qu'il a? Il est lourd, il est long, il est lent. Et le thorben, c'est un petit serpent qui, lui, est plus rapide et qui se cache. Qala, wal jawabu an hadha, annahu shabbahaha bi thorben fi idham khalqiha, wa bil jan fi ihtizaziha wa khifatiha wa surat harakatiha. Faya jamiatun bin al idham wa la khifah, donc c'est quoi la réponse en fait pour montrer justement en plus, encore plus la grandeur du miracle qui a été accordé à Moussa alayhi salam par rapport à ce bâton, c'est qu'en fait ce bâton là est devenu un serpent de taille immense. Même dans les tafasir vous allez voir que des ulama citent des femmes qui sont citées des Bani Israël, donc on ne se base pas dessus, c'était un serpent qui était immense, immense, immense. Donc quand le serpent est immense, il fait extrêmement peur. Plus il est gros, plus il fait peur. Et quand il était comparé à un petit serpent, en fait, c'est par rapport à sa rapidité, par rapport à sa fluidité, par rapport à ses mouvements. Car le petit serpent est bien plus rapide, est bien plus fluide, et est plus apte à se cacher et ne pas être vu. Donc en fait, ce serpent-là, qui est devenu le bâton de Moussa, a regroupé toutes les caractéristiques qui sont effrayantes chez le serpent. Qui peut être gros, et également en même temps qu'il est rapide et fluide et qu'il peut disparaître du fait que tu ne vois pas où est-ce qu'il est. Et bien sûr, après, il t'attaque furtivement. C'est ça le lien qui était fait entre les deux versets, comme le citait l'auteur, rahimahullah ta'ala. Donc un serpent de la sorte, bien évidemment, n'existe pas. Donc s'il y a plus encore plus, comme on l'a expliqué, que cela provient d'Allah azawajal et non pas de la sorcellerie, comme était le cas des Sahara de Pharaon. نعم فبي هذا القدر نكتفي الى هنا فيني سوره الاعراف اي ا partir de demain on rentre dans sourate al-anfal ان شاء الله تعالى سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك